Oh, dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Si tu vomis, vomis là-dedans. Ok, je veux bien dîner avec toi ce soir. Parce que j'ai faim. J'aime me beurrer la biscotte. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. Bonjour à tous et bienvenue dans Toute Mauvaise Foi. On se retrouve ce soir, ce matin, cet après-midi, ça dépend quand est-ce que vous regardez, ça ne nous regarde pas vraiment. On se retrouve aujourd'hui avec Victoire, qui aime pas du tout quand j'y sens comme ça. Bonjour Victoire, comment ça va? Salut Hugo, ça va et toi? Ça va. Fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et bah ouais, c'est les joies de la retrouvaille. Des retrouvailles. Pourquoi pas au singulier? Ouais, d'accord. On fait ce qu'on veut, franchement. Nous y reviendrons en parlant de Star Wars sur le singulier. Oh! Oh bah ça c'est bien! Oh ah bah ça c'est joli, hein! Rah, ici c'est. Je vais baisser votre micro, c'est une catastrophe là. Moi je suis des vaguelettes quand Victoire elle crie ça. Tu parles pour The Last Jedi? Oui. Ouais. Et vous avez pu l'entendre, peut-être que vous vous souvenez de sa délicieuse voix. Bonsoir. Bonsoir Chix. Salut, ça va? On voit que c'est un chanteur et il a une voix douce. Et feutré au micro, contrairement à d'autres voix stridentes. C'est suave. Tu parles de moi? J'ai failli dire des voix distantes du micro en parlant de Romain, mais je me suis dit que comme il est pas là, c'est méchant de se moquer de lui. Tout à fait. Qui nous écoute d'ailleurs. Qui nous écoute? Non, il écoute pas l'émission. Et aussi parce qu'en fait, on a pas mal vu de choses. Pour une fois qu'on a une vie sociale et qu'on fait des choses, on doit en parler. Et par contre, on a un autre invité un peu inopiné qui est notre chat. On n'a encore jamais enregistré avec lui, donc je ne sais pas les conséquences que cela va avoir sur la qualité de l'enregistrement. Mais visiblement, il est devenu très très copain avec Chix. Donc, il vient de s'installer sur le canapé à côté de lui, donc je pense que c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de bonnes choses, mais aussi de choses un peu moins bien. On se retrouve pour parler notamment spectacle. Avec le spectacle de Paul Taylor à la Nouvelle... La Nouvelle Ève. La Nouvelle Ève, j'ai failli dire la Nouvelle Scène, mais c'est notre scène. Le spectacle s'appelle Franglais. On en reparlera par la suite. Et on va aussi parler du spectacle Golden, de la soirée Golden Moustache où on était à Troyes. À l'occasion du Festival de l'Humour de Paris. Voilà, et on... C'était vraiment beaucoup d'humour. C'était une blague, en fait. C'était une blague. On va en reparler. Voilà, on va en reparler. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour discuter, oui, comme je disais, de spectacles, mais aussi de films, de recos, d'animés, de jeux de société. Nous, on fait tout. On est passionné par énormément de choses. Et, on est multiculturel. Voilà, et on est extrêmement cultivé. Opportuniste. Exactement. Alors, on commence par le spectacle de Paul Taylor qui se passe à la Nouvelle-Ève, donc à Piget un spectacle qui s'appelle le hashtag Franglais. Ouais, parce que moi je dis le hashtag. Ouais c'est vrai, je l'ai zappé. Mais je crois que techniquement il faut l'intégrer. Voilà, c'est ça un peu 2018. Donc Paul Taylor, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste anglais qui en fait s'est surtout fait connaître par ses vidéos sponsorisées par Canal sur la chaîne What the Fuck France et What's Up France. Donc en fait, c'est un British qui vit en France, à Paris, depuis plusieurs années et qui décortique des manies qu'on a, nous les Français, ou encore des faits d'actualité dans What's Up France d'un point de vue donc étranger, entre guillemets, et surtout super drôle. Donc quand avec Hugo, on a vu qu'il faisait un spectacle, on l'a découvert un peu par surprise, on a tout de suite voulu y aller et on n'a pas été déçus. Déjà, la salle, la Nouvelle-Ève, est top. C'est genre dans une espèce de cabaret, tu dirais ? Un ancien cabaret ? Ouais, bah c'est une petite salle de spectacle, ouais, façon cabaret, ouais. Avec des tables, en fait, un peu comme un truc... un dîner-spectacle, un peu. Un dîner-spectacle, mais sans dîner. On te parle... Ah oui, Chix, tu es invité. Je te rappelle, parce que... Mais je vous écoute, je vous écoute, je prenais d'ailleurs des notes. Le spectacle, il y avait deux premières parties avant Paul Taylor. Ah ouais, j'ai cru que Victoire allait exploser quand elle a découvert... La deuxième première partie, mais mon cœur a failli s'arrêter, je veux dire. Ils ont la première partie, comment elle s'appelait? Sarah... Je sais pas, c'est une américaine. En plus, on a pris sa carte. Donc c'était on une américaine et en plus, elle était plutôt drôle. Ah ouais, c'était drôle. Les deux étaient bien. 5 minutes plutôt cool. Et en deuxième, c'était un Français. Et là, ils ont annoncé son nom et ils ont dit « Accueillez s'il vous plaît Urbain ». Et là, je me suis tournée vers Hugo, j'ai fait « Ça doit être Urbain de Topito ». Et effectivement, c'était lui. C'était Urbain de Topito et j'étais trop contente. J'étais trop contente parce que déjà, ce sont les vidéos qu'il fait sur la chaîne de YouTube de Topito, je sais pas si tu regardes. Si, elle est d'ailleurs plus souvent en fait sur mon actualité Facebook que mes amis. Bah voilà, bah leur est-ce leur que c'est parce YouTube. Que tu regardes beaucoup Topito ou parce que tu as peu d'amis? Bah en tout cas, il y a plusieurs personnes qui font des vidéos chez Topito, il y a Nostro, etc. Mais moi, c'est vraiment Urbain mon préféré. Je tiens à le dire. Voilà, et on va le taguer. Hashtag, ouais. Et on dit tellement du bien qu'il a intérêt à nous retweeter. Non, mais en plus, il y a des soirées Topito tous les mercredis au Sentier des Halles, où je pense que c'est genre des spectacles de stand-up par les comiques de Topito. Donc franchement, un truc à faire un coup un mercredi soir. Ça, parce que ça serait pas un truc à faire à la place d'aller à la soirée Golden Moustache. Ah. Mais on y reviendra, on n'a pas fini sur Paul on Taylor. On y reviendra, ah. Mais voilà. On va y revenir dans pas longtemps. Les deux premières parties étaient donc des 5 minutes en fait, qui étaient vraiment très drôles. Autant l'américaine dont je me souviens plus le nom était très drôle, Urbain était hilarant. J'adore Urbain. J'adore. Alors c'était un spectacle de Urbain, alors ce que je comprends non. Finalement. Bon, Paul Taylor c'était pas terrible, mais les 5 minutes d'Urbain, ça valait les 30 balles non, que j'ai dépensé. D'ailleurs j'avais fait un tweet pour dire que je trouvais que les 5 minutes d'Urbain étaient meilleures que le spectacle de Golden Moustache oui, qui durait 2 heures. Oui mais là tu spoil Oui bon. Bon, revenons à Paul Taylor. Donc son spectacle à lui durait quand même une bonne heure et demie, peut-être même un peu, presque 2 heures. Ça a duré 2 heures en tout, et sachant que les autres c'est des 5 minutes. Et que t'avais peut-être 5 minutes de délai entre les deux, ouais. Bon globalement 1h45 peut-être. Ouais voilà dans ces eaux là. Et ce qui était super cool avec Paul Taylor, je sais pas si toi Hugo t'avais eu cette peur, mais moi j'avais peur qu'il entre guillemets recycle des blagues de ses nombreuses vidéos, parce que chaque fois tu te dis bon il a peut-être fait le tour des blagues sur les Français. Ah oui, pour en revenir au début, Franglais, son spectacle c'est un spectacle moitié en anglais moitié en français, donc il switch d'une langue à l'autre. Donc il faut être à l'aise avec ça. Moi j'ai trouvé que c'était accessible, mais en même temps ouais c'est bah il faut savoir parler un peu ouais, anglais voilà. Mais il faut avoir un minimum de niveau en anglais quoi. Et donc je pensais qu'il avait fait entre guillemets le tour des blagues sur les Français, des clichés et tout, et en fait non, c'était que des blagues complètement nouvelles en fait, inédites. Ouais complètement, tout était inédit, il n'y avait aucune redite par rapport à son spectacle, par à ses vidéos pardon, et c'était vraiment trop drôle. Moi, j'ai rigolé, je me suis bidonné pendant 1h45. Ouais, c'était vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'interactions avec le public. Et on lui a fait la bise. Et on lui a fait la bise, c'est vrai. C'est dans le spectacle où il fait un sketch sur la bise. Et en fait, du coup, il fait la bise aux gens du premier rang. Et nous, on était au premier rang comme des grosses groupies, tu vois. Comme des VIP. J'ai trouvé ça vraiment hyper drôle. Il y a quelques petites longueurs, je dirais, mais après, même si c'est pas du rodage à part entière, le spectacle il dure jusque mars, et je pense qu'il change encore quelques trucs. C'est-à-dire que. Sachant que là c'était pas la première fois qu'il commençait en janvier, il avait d'abord fait ce spectacle là, dans le 17e arrondissement, je ne me souviens plus du nom de la salle, mais c'était pas un. Il me semble pas que ce soit non, mais un complètement nouveau spectacle. Ce que je veux dire, c'est que en mars, ce qu'il a prévu, c'est de le mettre en vidéo. Ah oui. Donc pour une capture, il faut que ce soit parfait. Vraiment parfait. Donc il peut tenter quelques petits trucs par-ci par-là, tu vois. Et je pense qu'il se le permet. Et après, le spectacle est déjà très bien. Ah oui. Mais ce que je veux dire. Il est quand même d'une qualité. Voilà. C'est très bonne. Surtout pour un mec qui. Il a raconté pendant le spectacle qu'il avait fait un peu de stand-up, mais là c'était vraiment ses premières vraies scènes devant des publics nombreux, entre guillemets. Il faisait des petites scènes avant. Et pour quelqu'un qui a été surtout connu via YouTube, c'était pas du tout une déception. Il est vraiment très à l'aise sur scène. Il a tous les codes du stand-up. Ah ouais, c'est très très très réussi. Surtout par rapport à Golden Moustache. Ah ouais. Mais non, on va pas revenir là-dessus. Non, on n'est pas mauvaise langue. On n'est pas mauvaise langue, messieurs, dames. Non, mais c'est pas le même niveau du on tout. On respecte hein. Les travails des artistes. Oh, est-ce qu'on enchaîne directement sur Golden Moustache? Juste une petite pause. Enfin, pour en finir sur Paul Taylor. Son spectacle, en plus, c'est pas super cher, je trouve, pour la qualité qu'on a et pour la durée. Oui, parce que nous, souvent, les gens dans les podcasts donnent pas le prix que ça coûte. Ouais. Alors que c'est quand même un facteur assez déterminant, puisque bon, on gagne seulement 64 000 euros par mois avec ce podcast. Donc je veux dire, on peut pas non plus tout faire, tous les spectacles. Donc il faut aussi à un moment regarder son budget. Donc combien c'était ? Alors, officiellement, les places coûtent 30 euros, mais sur Billets Réduc, d'ailleurs un site qui est conseillé lui-même par Paul Taylor, les places sont à 25 euros. Et comme c'est non placé, c'est un tarif unique. Il faut courir. En vrai, non, on est arrivé à quelle heure ? On est arrivé une demi-heure en avance ? Une demi-heure avant le début. Et on a été au premier rang, donc finalement c'était très bien. Et puis la disposition de la salle, comme c'est un peu dîner-spectacle, était faite en sorte qu'on n'était pas collés les uns aux autres en fait. C'était vraiment un peu, chacun avait sa table un peu individuelle. Ouais, franchement c'était pas mal. C'était très agréable et franchement, ouais. Knock, knock, who's there? It's the Hormone Monster. No, you gotta be kidding me. Nick is right there, sir. And I'm a good person. I wouldn't do that laying next to a friend. Then why am I here? Oh my God, you're always right. What the hell is wrong with me? Nothing. You're a perfectly normal, gross little dirtbag. Now stare at that cat clock and massage your dinger. No, Nick's grandmother gave him that clock. She knew what she was doing. Yeah, she did. Okay. Oh, what a little clock tease. Her eyes are darting back and forth, thinking, meow, meow, who's got the cream? Me, I've got the cream. Yeah. Oh my God. It's okay. Just picture your dad's associate, Susan. Oh, Susan. Susan actually came to this summer outing, and she said that I was really sprouting into a fine young man. That's right. Look at her sinewy arms. Susan, show me your top naked. Yes. Oh, God. And she's got fallopian tubes. Oh, God. Okay. So, Susan, what's it like to be in human resources? I'm done. Good night, you Prince of Westchester. You King of the Tri-State area. Wait, what do we do about the mess? Sleep in it, pig. Ow! Dénonce. Nous, on dénonce. On n'a pas la main dans la farine de la boulangère, hein. Et surtout que pour contextualiser, on a été voir Golden Moustache le même week-end que Paul Taylor. Donc le vendredi soir, on a été voir Paul Taylor. Le dimanche à 18h. Ouais. Ah oui, c'était le week-end de Lebourg. 18h20 plutôt, vu qu'ils étaient en plus en retard. Ah bah c'était, c'était Golden Moustache, la soirée pendant le festival de l'humour à Paris, à l'Olympia. Alors voilà. Donc, co-animé par Thomas VDB et Mathieu Madénian, qui, je ne m'avancerai pas trop, étaient les seuls. Voilà, j'adore Thomas VDB, donc en même temps le mec il dit un truc, il dit juste bonjour, moi ça me fait rire, donc ouais, t'es un peu bon public par rapport à lui, voilà, pense. Mais après il faisait du Thomas VDB, c'est à dire qu'il se ramenait, il faisait une très mauvaise imitation au demeurant. Encore pour contextualiser, là Chic c'était avec nous, contrairement voilà. Alors, à Paul Taylor. Il était avec nous, donc du coup on va le laisser parler parce que le oui. Pauvre il dit rien depuis tout à l'heure. Oui, mais... Donc présente-nous cette soirée. Alors, incroyable. Nous étions ensemble mais pas au même étage. Hein. Oui, parce que toi t'étais dans l'étage des riches. Exactement. Ah oui, voilà. Je vous balançais mes bijoux comme ça. Et donc effectivement non, c'était une soirée de ce que j'en ai retenu, malaisante en fait. Ouais, Il démarre direct. Ouais, tu sais, genre le mec, il a aucun respect. Tu vois, alors, genre en mode, comment t'as trouvé la soirée ? Non, nul à chier. De 1 à 10, 1 c'est nul à chier, 1. J'irais même moins 2. Sur mon top, moins 5. Alors que, en plus, Chix, t'es quand même le mec le plus sympa du monde. Mais voilà, Je me sens déjà mal parce que je vais dire tout de suite, quand même, par bienveillance, je les aime beaucoup. Non mais partons de ça quand même, nous sommes normalement bon public de Golden Moustache, nous les écoutons, nous les regardons depuis des années sur YouTube, etc. Et nous avions grande attente de cette soirée. Et justement. C'est pour ça qu'on n'est pas content. On n'est pas content. On n'est pas content, mon gars. On n'est pas content car tout simplement c'était une soirée où on attendait beaucoup de choses donc de ces merveilleux comédiens. Mais qui ne sont malheureusement pas des gens de spectacle, qui ne sont pas encore, en tout cas, rodés à la planche. Ça y est, des gens que j'ai vus depuis des années faire des sketchs, progressé, monté en puissance. Ils vont grandir ensemble. Non mais ça y est, ils passent sur scène. Je me suis dit, mais c'est beau, j'ai envie de leur donner mon argent. J'ai envie de participer à ça parce que c'est cool que ces gens... Surtout que YouTuber, c'est un métier quand même très décrié aujourd'hui par les médias grand public. Ce sont des YouTubers qui arrivent sur la salle de dans la salle de l'Olympia. Enfin, c'est pas n'importe quoi. J'étais hyper contente de me dire, je participe à ça parce que je trouve qu'ils sont super. Et... waouh, enfin, c'était d'une nullité, mais... Alors moi, je suis d'accord, mais je suis resté avec l'expression de Chix. Ils ne sont pas encore habitués aux planches. Je trouve ça très, très poétique. Donc voilà, on n'a pas l'habitude de parler aussi bien. j'ai du mal à m'en remettre. Oui, ben moi, je suis un peu d'accord avec vous. C'est-à-dire que pour un spectacle municipal Jolibois, les rouflaquettes... dans la Creuse pour une classe de CM2, franchement c'était pas mal. Pour un spectacle à l'Olympia à 30 balles, bah non. Non, les gars, vous avez écrit un texte en 2 minutes. Non, si vous avez écrit un texte. Voilà, c'est même pas du niveau de rodage. C'est-à-dire que si vous voulez aller voir des gens qui débutent, vous allez voir des gens qui font des premières fois. Par exemple, Yacine Bellouz qui organise, alors je sais plus, mais je crois que c'est à Pigalle autour, le dimanche soir, les trucs des premières fois. Il y a même des gens connus, mais qui font leur première fois. Putain, je sais pas combien c'est, mais c'est sûrement pas 30 balles. Et, les gars, enfin, Lucie Hermaine, je l'aime bien. Mais putain, son sketch sur Star Wars, c'était nul. C'était gênant. Et ensuite, vous nous ressortez vraiment des sketchs qui sont sur YouTube. Non mais ça a été le pompon. C'est il y avait un écran donc sur la scène où ils nous ont dit qu'ils allaient projeter un des écran vidéos. Tout petit. Ouais, déjà en plus l'écran était minable. On attendait justement des choses nouvelles vis-à-vis de ça. Tellement. Des vidéos qui allaient venir. Oui, moi je pensais qu'il allait avoir des vidéos genre inédites ou des vidéos on a en première. Il y en a eu une. Il y en a eu une, mais bon, elle sortait genre le vendredi d'après quoi. Ouais, et sinon, ils ont eu le culot de nous repasser des vidéos qu'on avait déjà vues. Genre le bureau des plaintes. Un tel clash. Le bureau des plaintes. Enfin, je suis désolée, les gars, on vous connaît, c'est pour ça qu'on est là. On les connaît, ces vidéos. Je veux dire, pourquoi nous repasser ça? C'est quoi le but? Enfin. Et pareil. À part meubler, en fait, c'est pour meubler. Justine Le Potier, que en plus j'aime bien. Enfin, ouais, en plus tu l'aimes bien. Ouais, c'est je vrai. L'aime bien. C'est vrai. C'est vrai que tu l'aimes bien celle-là. Hein? Même un peu trop. Non, mais oui, dès qu'elle apparaît dans une vidéo, Hugo dit ah, elle, je l'aime bien. Non, mais en plus, je l'ai suivie dans Le Visiteur du Futur et dans tout ce qu'elle a fait après et tout. Et sincèrement, je l'aime bien. On parlait des 5 minutes de. On parlait des 5 minutes en avant-première de Paul Taylor. Enfin, en première partie de Paul Taylor. Là, ces 5 minutes, ça tient uniquement sur envoyer à quelqu'un un SMS comme quoi il pue de la gueule. Ce qui est directement tiré de son sketch. Qu'elle nous a passé en plus en vidéo avant. Déjà sur YouTube qu'on nous a sorti. Est-ce qu'on parle des gens qui étaient prévus qui sont pas là? Ah ouais, c'est vrai. Donc, parce qu'en plus, il y avait Julien Josselin qui devait être là, qui était pas là. Panayotis qui était pas là. Donc en plus. J'ai envie de dire Julien Josselin, moi j'aurais bien voulu le voir, mais apparemment, même lui il trouvait que c'était de la chier donc c'est pas déplacé. Enfin, je sais pas ce qu'il fout, pourquoi il était pas là. Mais c'est prendre. Moi, ce qui m'a vraiment gêné pendant la soirée, c'est que c'est prendre les gens qui vous suivent pour des putains de vaches à lait. Alors que vous, normalement, vous avez totalement d'autres valeurs. Si vous nous écoutez encore. Voilà. Parce que bon, tout à l'heure, c'est sûr que bon. Mais, voilà, d'ailleurs, j'ai dû nous lâcher. La France veut savoir. Je viens de me souvenir d'un truc que j'ai pensé pendant le spectacle. C'est que le ton, en fait, n'était pas harmonisé entre les différents sketchs. C'est ça. En fait, il y avait des sketchs très. Comme bah, justement, comme on en parlait de Lucien Maine, ou même encore Justine Le Potier, où c'était vraiment des blagues niveau gamin de CM1. Et il y en avait où c'était des blagues de cul un peu trash, sachant qu'on avait des enfants, on était entourés par les enfants dans la salle de l'Olympia, je veux dire vraiment. Et en fait, on avait l'impression qu'ils ne connaissaient pas leur public. Je veux dire, vous ne savez pas à qui vous parlez, vous ne savez pas si vous avez affaire à des gosses, à des ados, à des adultes. Et vraiment harmoniser un peu le ton, parce que là, ça n'avait aucune cohérence. En fait, on aurait dit que vous avez préparé chacun votre truc dans votre coin et que vous avez pas cherché un truc d'ensemble. C'était un peu ça le délire. C'est, enfin, je du début à la fin, ce truc, c'est ouais, c'est voilà, c'est prendre des gens pour les vaches à lait. Et du coup, ça me fait chier de maintenant regarder un peu les vidéos parce que tu te dis putain, en fait. Ah mais moi, je n'ai même plus envie de les regarder. J'en vois passer dans et mon feed. On parle du final. C'est quand même les mecs de Multiprise là qui ont jeté des t-shirts littéralement. Ah oui, ils avaient un canon à t-shirt. Ils ont mis des t-shirts dans le canon. Ils les balançaient dans le public et en plus. Le pire, c'est qu'il y avait quand même des personnes dans le public qui trouvaient ça génial. Autant si c'était, on va dire, cette petite activité était intégrée au reste, en fait. Oui, c'est ça. Il n'y aurait eu aucun souci. Simplement que là, en fait, l'activité était finalement la pièce maîtresse de leur sketch, d'une certaine manière. Donc, ah non, avant, il y avait une vidéo où ils avaient fait un clip. Un clip musical, oui. Tu te souviens ? C'est les clips musicaux. Sur un fond vert. Etc. Ouais, façon ozone, mais. Non, mais attends, alors ça, bien. Ça, dans le délire, ça, c'est le genre de truc, j'ai envie de dire, c'est quasiment la meilleure partie avec Kairon, les animateurs et les histoires racontées par les chaussettes qui sont toujours les meilleures à mes yeux. Hein, le duo Dedo et. Yacine Bellous. Exactement, sont deux personnages. Non, mais ils jouaient séparément aussi, Dedo et Yacine. Oui, voilà. Oui. Alors, c'est sûr, il y avait la partie de Dedo, elle m'a fait rire. Mais après, le problème, c'est que. C'est-à-dire qu'il y a ici Bellous, évidemment, je l'aime beaucoup. Kairon, je l'aime beaucoup. Dedo, je les aime beaucoup. Sauf que, en fait, c'était pas l'idée de voir. Enfin, de trouver que ces gens-là bien. C'est-à-dire qu'on voulait un ensemble. Donc, d'accord, si j'en payais 30 balles. Ils se faisaient tous des sketchs individuels. Alors que Golden Moustache, c'est un collectif. On pensait qu'ils feraient des blagues ensemble. Ce qui fait que finalement, c'était. Deux heures et demie, je crois, où on se faisait teaser de vidéos qu'on avait déjà vues et de personnes qui, malheureusement, font des meilleurs spectacles quand ils sont seuls. Mais tout ce qu'ils prônaient, en fait, de l'amour de Golden Moustache, malheureusement, on ne l'a pas ressenti. On l'a ressenti parce qu'ils nous remerciaient en permanence, qui en était justement une partie malaisante. Mais le côté amour d'être tous ensemble, on le voyait pas, étant donné qu'ils étaient à chaque fois individuels et seuls sur scène. Et surtout, énormément d'autopromo, putain, c'est pas possible. Après, quand tu regardes les retours sur Twitter, il y a énormément de retours positifs, mais je pense qu'il s'agit d'ados, ou alors de personnes attardées, je ne sais pas. Ah, là, ça clash tout de suite, là. Non, mais qui eux, j'ai quand même vu un tweet qui disait « C'était la plus belle soirée de ma vie ». Oui, on en a parlé, cette personne-là, on va la contacter, ouais. On va faire quelque chose. D'où viens-tu, ma grande ? Enfin, là, il y a un souci, tu peux pas dire que c'est la plus belle soirée de ta vie. Et en fait, je crois que c'est vraiment, si t'es dans l'esprit groupie, en mode, j'ai vu ces personnes, oui, bon, d'accord, on les a vues. Est-ce que tu en tires une valeur ajoutée dans ta vie ? Je ne suis pas sûre. En fait, c'est ça. C'est ce qu'on a un peu ressenti, Victoire et moi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui se montrent. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils font je suis Lucien Mène ou je suis Justine Le Potier. Et ils agitent un peu, machin, et tout le monde est content parce qu'ils les voient, mais pas pour ce qu'ils produisent sur scène, en fait. C'est ça, parce qu'on les voit ailleurs que sur un écran. Après, moi, je suis assez bienveillant avec ces gens-là parce que j'estime qu'ils sont justes dans ce qu'ils font, etc. J'ai juste eu l'impression, personnellement, qu'ils ne se sont pas rendus compte du challenge qu'il y avait, en fait, à l'Olympia. De ce que c'est être sur scène. Ils avaient pas la... Ils savaient pas ce que ça allait être. Ils sont retrouvés là à malheureusement mal faire. Alors que ce sont des gens qui veulent bien faire. Alors je suis un peu d'accord avec toi, sauf que c'est la troisième soirée Golden Moustache, je crois, parce qu'ils en font une par an. Ah bon ? Ouais, mais Non, ouais, mais pas. C'est pas le macho, ça. Non, sûr. Non, c'est vrai. Je me demande si c'est pas la troisième. Ils en ont déjà fait. C'est la première fois à l'Olympia. Oui, c'est une raison de merde. Non mais en fait j'essaye d'être bienveillant. Par exemple, tout le monde peut se planter. Moi c'est vraiment pas. Et c'est pour ça que je parle des soirées des premières fois. Tu vas voir des gens qui font leur première fois sur scène. Et ça peut être bien, ça peut être nul, mais ça arrive. Enfin, moi je suis plutôt bienveillant sur le fait que tu merdes sur scène. Dans tous les cas, ce qu'on a envie de dire à Golden Moustache ici, c'est surtout on demande en fait une explication. Un remboursement. C'est ça. Service après-vente de Golden Moustache, s'il vous plaît. Alors moi, j'ai lancé une procédure sur la Fnac, ça va chier, hein, je vous le dis. Pour s'inspirer du podcast MDR, combien vous auriez mis ? Combien vous auriez mis pour voir ça ? C'est-à-dire que après coup, combien vous auriez payé ? Si, par exemple, il y avait une cagnotte. Ah, moi, j'y serais pas allé. C'est pire. J'ai perdu, les gars, mon dimanche soir. Non mais, et ça a pas de prix. Mais clairement, en plus, je crois que c'était un soir où j'ai pensé faire de la galette. finalement. En plus, on est rentré tellement tard pour toi, qu'on n'a même pas fait de galette. Donc ouais, clairement. Mais moi, j'ai pas eu de galette. Alors ça, plus le 30. Voilà. Non, moi, en fait, j'aurais préféré ne, ouais, passer mon dimanche soir chez moi. Ah bah. En fait, clairement, clairement, ça ne m'a rien apporté d'aller voir ce spectacle. J'ai pas ri en fait. J'étais juste très gênée la plupart du temps. Donc c'est qu'il y a un souci. C'est que j'aurais été mieux en pyjama dans mon canapé en train de regarder une série. Oui, mais on est toujours mieux en canapé, dans le canapé, en pyjama. Chix, est-ce que tu veux rajouter un prix, par exemple? Un prix. Un prix pour le prix du pire spectacle. Non, le prix que t'aurais mis. Et le prix du pire spectacle est attribué à... Oula, t'as réveillé Olaf. Oh là là là là. Oh, cette il tête. Il va foutre un bordel. Oh, cette petite non, tête. Non, c'est bon, il nous en veut pas trop, apparemment. Pour ce spectacle, j'aurais mis... allez, 7 euros, parce que je les aime quand même bien. 7 euros, voilà. 7 un paquet euros, de clopes. En fait. Ils ont 1 euro par personne. Voilà. Bah, ouais, moi, j'aurais même pas mis le prix... J'aurais mis le prix d'une place de cinéma en CE. Donc, autour de 5 euros. Parce que, on va en parler après, mais on a été voir des films au cinéma... Et en fait, bah, c'est mieux. C'est con, mais c'est mieux. Alors, on va arrêter de bitcher. On est désolé, hein, on voulait pas. Mais il fallait rattraper l'internet. Les internets étaient vraiment en retard, apparemment, sur la critique, malheureusement. On passe au film qu'on a vu récemment. Chacun un peu dans notre coin. Hein, mais Alors, Victoire, j'ai cru comprendre qu'on avait vu Pentagon Papers aussi. Bah oui, c'était là. Donc, Pentagon Papers réalisé par Steven Spielberg. Ooh. Avec Tom Hanks et Meryl Streep. Alors, Pentagon Papers, ouais, bah d'ailleurs, merci Universal, parce que mine de rien, on n'a pas pris de place. Non mais, on peut le dire. Non mais les gens ils vont croire qu'on nous paye des places. Non, pardon, on va gagner un concours. Voilà, en fait ils faisaient un concours sur Twitter, la mécanique classique RT and follow pour gagner Queen des places. On a participé tous les deux d'ailleurs, je crois, au et j'ai gagné les places. Ça n'est absolument pas parce que notre podcast est connu. C'était pas exceptionnel, même peu importe. Les acteurs principaux, donc c'est Tom Hanks, Meryl Streep. C'est la première fois que ces deux acteurs partagent l'affiche, donc quand même, ouais, je savais pas. Ah ouais, grand moment de cinéma. Et en second rôle important, quand même, il y avait Bob Odenkirk, qui est connu pour jouer Saul dans Breaking Bad et Better Call Saul. Tu connais? Oui, et j'ai envie de dire, il recycle un peu tous les acteurs connus de séries. On retrouve le pareil, le mec de Breaking Bad qui joue dans Fargo, qui joue dans Black Mirror, qui joue dans Star Trek. Ouais, bah, il recycle pas, c'est vraiment des rôles assez mineurs. Non, il recycle pas, mais bon, il essaie de se refaire un peu sur la vague des gens connus, quoi. Bon, bref. En tout cas, le pitch, c'est 1971 à Washington, et en fait, C'est Meryl Streep, elle est la PDG, la directrice du Washington Post, donc un journal très connu, mais qui à l'époque n'était qu'un journal local. C'était pas du tout un journal national à grande échelle. En fait, son mari est mort, du coup, elle a récupéré les rênes du journal. Et en fait, elle va être confrontée à la révélation d'un scandale lié aux fuites d'un dossier du ministère de la Défense au sujet de la guerre du Vietnam. Et en fait, il y a tout un... En gros, le film, c'est tout aussi une polémique entre faut-il publier tout ou faut-il sélectionner l'information. Petite précision historique, en fait, il s'agit du dossier du rapport McNamara qui porte, en fait, c'est le secrétaire d'État à la Défense qui a demandé volontairement un dossier d'études complet sur la guerre du Vietnam sur énormément d'années, sur, alors vraiment, et en fait qui a demandé un dossier d'études volontairement pour les universitaires, pour l'étude de la guerre du Vietnam plus tard. C'est-à-dire que pour lui, ça devait, la guerre du Vietnam, même s'il faisait de la merde, ça devait être écrit quelque part pour que les gens puissent l'étudier. Donc en fait, le rapport dit clairement, dès le début, c'est une idée de merde, vous allez vous prendre une branlée globalement. Et surtout, ce dossier, ce qui était intéressant, c'était que donc, en 1971, c'est Nixon, le président des États-Unis, et en fait, le dossier montre que on sait que la guerre du Vietnam est une mauvaise idée depuis Eisenhower, soit depuis 4 présidents auparavant, quoi. C'est ça, et qu'en fait, tous les présidents ont menti. C'est-à-dire que tous ont menti sur la situation, alors qu'on leur disait que c'était de la merde et que c'était perdu. Et ils continuaient à envoyer des jeunes Américains au combat... Alors que c'était une guerre stupide qui n'avait pas lieu d'être. Et donc le côté positif du film, on peut dire que c'est un peu une ode à la presse libre, surtout en ces temps troublés avec le Trump. Bah, ce qui est intéressant aussi, c'est que le film rappelle aussi que dans des moments où justement il y a Trump qui hurle à la fake news, mais aussi on peut le rapprocher un peu en France où tout le monde dit les médias, les journaux disent n'importe quoi, il faut se souvenir que les médias ne sont pas là pour appuyer ce que font ou disent les gouvernements. Les médias sont au service du peuple ou de leurs propres intérêts, mais peu importe. Ils ne sont pas là pour dire que les gouvernants, les présidents, etc. disent la bonne parole. Et c'est pour ça que, par exemple, tous les cas qui arrivent encore aujourd'hui, qui arrivaient à l'époque et qui arrivent aujourd'hui de censure des médias sous prétexte que ça n'a pas plu à un dirigeant, c'est très, très problématique. Et ce film le montre avec énormément de subtilité, je trouve. Surtout qu'en plus, comme ça se passe dans les années 70, on pourrait se dire « Oui, mais c'était il y a 40 ans. » Non, c'est pas il y a 40 ans, ça se passe encore maintenant. Parce que c'est pire maintenant. Ça se passe encore maintenant et c'est pour ça que c'est toujours plus actuel en fait. C'est peut-être ça aussi le problème. Et en plus, ça parle un peu des conditions de la femme. Globalement, il y a pas mal de références. Ouais, il l'évoque pour dire de l'évoquer, je trouve. Tu trouves pas que c'est un peu surfer sur la vague? Exactement. Et ça, c'est dans beaucoup de films en ce moment. On essaye vraiment de surfer sur la vague. Regardez-moi à quel point je suis féministe ou je mets des gays. Steven Spielberg, en vrai, dans combien de ses films, le héros était une femme? Ah oui, mais... Non, c'est pas « Ah oui, bon !» Non. Ah non, mais je suis d'accord. Hein, c'est tout. Donc là il fait genre « Ah, Meryl Streep !» Oui, c'est bien pratique qu'il ait pris Meryl Streep. Meryl Streep est une icône féministe d'aujourd'hui. Oui, mais il met des petits discours à son personnage en mode « Ah, c'est une femme qui a hérité de l'entreprise de son mari, etc. » Ouais, ouais, d'accord. Et Steven Spielberg, tous ses héros sont des hommes. Donc là, pour le coup, c'est vraiment surfer sur la vague, je trouve. C'est vraiment... Bon, après, tant mieux, parce qu'il faut que ce soit dit. Que rien. Oui, il faut que ce soit dit, donc c'est cool. Mais bon. Ah oui, non, mais je... En fait, j'ai vraiment apprécié qu'il y ait ce discours-là, mais il faut quand même l'écouter avec du recul, parce que... Oui, on se fout un peu de notre gueule. On se fout un peu de notre gueule. Donc, merci Steven. Merci Steven pour ce petit rappel. Mais la prochaine fois, tu nous feras un film sur une femme. Parce que là, en plus, c'est Tom Hanks, le deuxième rôle principal. Alors, tu peux être sûr que... Le rôle principal. Ouais, le rôle principal. Donc, arrête. Tom Hanks, limite, il vole la vedette à Meryl Streep. Donc, bon. Donc, globalement, parce qu'en fait, ça avance. Hein. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ce film, c'est un peu le bœuf bourguignon de ta grand-mère du dimanche. C'est-à-dire, tu l'as déjà mangé 100 fois, mais c'est pas mal, c'est bon, tu passes toujours un bon moment, tu passes un bon dimanche, c'est cool. Ouais, c'est pas un film révolutionnaire. Et il est, ouais. Il est assez lent. Il est pas très. Est-ce qu'on avait dit comme adjectif, il est pas très nerveux. Ouais, il y a aucun moment où tu te sens dedans. C'est un biopic classique, quoi. C'est un peu. Voilà, il y a aucun moment où t'es en stress, où tu te dis, oh, qu'est-ce qui va se passer. Genre, à un moment, ils font, ah, on va peut-être aller en prison. Et rien. Et tu ressens rien. Et tu t'en bats les couilles. Et. Tu passes pas un mauvais moment, mais tu t'en. En fait. T'es vraiment passif. T'as du mal à vraiment t'impliquer dans les enjeux. Par voilà, t'es passif. C'est comme si tu regardais, tu faisais « Ah ouais, on doit être en prison. Ouais. » Mais c'est un très beau film, c'est très bien joué. C'est... Moi, je compare ça au Pont des Espions. C'est-à-dire que c'est pas mal, mais ça laisse carrément pas un souvenir impérissable. Et bon, un an après, décrire tout le film, c'est compliqué. Quoi. Ce qui est effrayant, c'est que ça surnage quand même au-dessus du niveau de la plupart des films. Bah, c'est ça le truc de Spielberg, c'est que c'est bien fait, mais même quand ça casse pas trop... Trois pattes à un canard, c'est mieux que la plupart des films. Et mais ça reste de Spielberg. Après. C'est ça, et tu retrouves exactement tous les plans typiques Spielberg, la musique, John Williams. Enfin, tu retrouves vraiment tous les mêmes éléments qui font que c'est un bon film. C'est la même recette. C'est ça, c'est la recette de grand-mère. Tu passes c'est un film de dimanche soir, quoi. Tu vois, tu mets ça, tu te dis bah je l'ai pas vu, j'ai passé un bon moment. Tu vois, mais vraiment trop rien. Est-ce que tu n'aurais pas regardé des trucs en ce moment, Chix? Parce qu'on t'entend pas beaucoup depuis qu'on bitch comme des porcs. Et oui, effectivement. Et ben, on va aller dans le sens, on va dire, à contre-courant, encore une fois, dans cette émission. Parce pour que parler. Nous, on va partout. Mais t'arrêtes de l'interrompre. T'es chiant, hein. Nous allons aller à contre-courant. Je vais parler un petit peu de Star Wars 8. Beaucoup de gens qui en disent du mal de ce film. Compréhension, car ben, c'est Disney qui a repris tel. Une société malveillante. Pardon repris, donc... Ouais, tu dis pas du mal de Disney, toi. Ah, c'est les seuls qui nous filent de l'argent, bordel. Le problème avec Disney, c'est qu'ils vont tout avoir. Et ça, on va dire, ça me fait un peu peur. Mais après, j'aime beaucoup Disney. Mais on va dire, au niveau de la propriété, c'est un peu moyen quand même. Hein. Écoute, si les entreprises se laissent acheter pour la somme ridicule de 4 milliards, George Lucas, je suis désolé, il a baissé son pantalon. Mais bon. Je suis d'accord à ce que George Lucas baisse son pantalon pour Disney. Il fallait qu'il laisse Star Wars. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On en était arrivé. Je suis d'accord. Cette, voilà. Non, mais... Bon, on arrête là, du coup. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de souci. Non, mais il aurait même pu baisser son pantalon pour 15 euros, je m'en bats les couilles. Mais il fallait juste qu'il laisse sa... Enfin, après la prélogie, évidemment, il fallait qu'il... La revanche des Sith, c'est un de mes Star Wars préférés. Nous parlerons à un moment donné de Star Wars en particulier. Voilà. Mais... Le 3, c'est un peu le The Room des Star Wars. C'est-à-dire, il est nul à chier. Mais non. Il est joué avec le pied. Non, arrête. Non, alors là, je t'arrête tout de suite. Le 3, il est pas nul. Il est... Non mais attends. C'est pas le pire de la prélogie. Non mais attends, le 3, il est... Non mais le 3 est mieux que le 4. Moi j'annonce des trucs comme ça. Le 3 c'est mon deuxième Star Wars préféré. Mais c'est toujours peut-être le premier. Star Wars, tous les films sont pas très bien. On va peut-être faire une émission spéciale Star Wars où on pourra bitcher toutes les Star Wars. Car moi je serais contre l'idée de d'attaquer les acteurs parce que à l'intérieur des films de Star Wars dans la prélogie, prélogie, et ben il y a quand même des bonnes choses. Enfin au niveau des acteurs, ils sont excellents. C'est les réals qui vont peut-être... Liam Neeson, on va pas avoir un problème avec lui. Mais George Lucas, il a jamais su diriger un acteur. Non, c'est pas que les acteurs. En fait, c'est donc, surtout que souvent les réals sont donc, des chiens. Donc, reviens-en au dernier On va dive. Revenir à Star Wars 8, voilà. Qui est donc, enfin, une renaissance, une nouveauté au sein de Star Wars, dans les films en tout cas. Car jusqu'à maintenant, on manquait de bons réals, on manquait de bons scénaristes, on manquait... Ah ça j'aime bien ça, quand ça commence comme ça. Effectivement, car à mes yeux, on en était à un point entre Star Wars 7 et Star Wars 8, à ce que tout le monde se pose la question, par exemple, comme Rey, mais qui sont ses parents ? C'est le premier film, quand même, qui te mettra le mystère à un point que tu prennes... tu aies des tas de vidéos YouTube qui se posent la question, qui fassent des théories, mais qui est-ce qui est les parents de Rey? Alors que normalement, quand il y a une protagoniste dans un film où il y a une suite se posant la question à la recherche de son papa, tout le monde s'en branle. tout le monde mais s'en bat les couilles. Et là, pourtant, mais tout le monde a suivi, même si c'est à cause de l'univers étendu, etc. Le mystère a joué et ça tombe. Là, je vais directement faire un spoil. Est-ce qu'on fait on spoil s'en bat les couilles. Ah, ouais. Il est sorti finalement. Juste pour rajouter, la dernière émission, on n'a pas spoilé parce que Romain, il n'avait pas vu. Alors, je peux dire là, tu te déchaînes. Non, mais c'est surtout la dernière fois, on a enregistré 2 semaines après la sortie. Ça fait 2 mois. Moi, si vous l'avez pas vu, c'est de la mauvaise volonté. Romain, il l'a pas vu, on s'en bat les couilles, on spoil. Hein. Parce que là, on apprend enfin que Ray a des parents qui sont vendeurs de fromage quasiment. Enfin, dans le sens où on ne sait pas d'où ils viennent. Et il fallait qu'ils ne viennent de nulle part, justement. Est-ce que tu penses que c'est acté ? C'est-à-dire ? C'est pas le méchant qui le dit. Techniquement, c'est Kylo Ren qui l'a dit. Donc, est-ce que c'est vrai ? Voilà. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On ne sait pas. Mais en tous les cas, pour le moment, c'est ce qui est décidé, on va dire, au sein des fans. C'est canonisé d'une certaine manière, c'est qu'elle a des parents qui ne viennent de nulle part. Et ça, c'est franchement une force dans Star Wars qui a le problème jusqu'à maintenant d'être toujours relié à des midi-chloriens ou à des familles. On parle pas de ça ici. On parle pas de la prélogie. D'accord, j'ai bien compris. Donc, il y a ça, la force est vue différemment. Il y a un approfondissement sur la force, de vraiment de savoir comment est la force, etc. On sait pas tant que ça, mais voilà, c'est juste, on essaie d'ouvrir les yeux là-dessus, au lieu d'avoir justement, revenir sur la prélogie avec une quantité de midi-chloriens dans le sang, etc. Non, c'est quelque chose qui est philosophique. Rian Johnson, est-ce que tu dirais qu'il chie pas un peu sur la gueule de la prélogie, justement, avec ça ? Effectivement, sur différentes choses, sur par exemple la morale sur les héros. Dans la notion où les Jedi, en fait... On s'en bat les couilles. On s'en fout. Ouais. D'ailleurs, The Last Jedi, c'est là où on disait tout à l'heure, il est singulier, c'est pas... Il y a encore des Jedi, non. C'est totalement obsolète, les gars. Jedi, c'est finalement quasiment être nul à chier, parce que, vous voyez, il y a tout plein d'incohérences dans vite. Et d'ailleurs, quand, on en a déjà parlé dans l'émission précédente, mais quand Yoda vient prendre son chèque, il précise... il précise qu'en prenant son chèque, il dit au fait, Marc, on s'en bat les couilles de tes livres de merde. Crame tout, on s'en bat les couilles. De toute façon, je suis mort. Et je suis une marionnette mal foutue. Voilà, je m'en bats les couilles de ce qui se passe. Entre guillemets et entre parenthèses, Ré a récupéré les livres. Oui, mais est-ce qu'elle va les lire ? Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'elle sait lire déjà ? On sait pas. Je veux dire, on sait rien d'elle. Non. Non, bah non. On a appris juste qu'elle volait les trucs et qu'elle savait utiliser un sabre laser lors de sa première utilisation. Moi, je trouve que par contre, les personnages de la nouvelle trilogie sont très convaincants. Enfin, moi, j'aime beaucoup Rey, j'aime beaucoup Finn. Oui, ils sont attachants. Plus J'aime beaucoup Poe. Poe, Oscar Isaac. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très mignon. Et Kylo Ren, j'ai toujours pas d'opinion. Ah, moi, je l'aime bien. Là, justement, je pense que c'est quasiment la pièce maîtresse, en fait, des prochains films. C'est oui, il a une tête qui va pas. Il fait 2m50 de large, oui, alors qu'il a une petite tête. Au bout d'un moment, faut arrêter la muscu. Mais en soi, en fait, ça représente totalement le personnage. On va parler de sa musculature. Parlons de sa musculature. Tu vas dire un peu un ado avec un corps un peu débrouillé. Je sais ce que tu vas dire. Il est extrêmement beau, il est extrêmement musclé, il a le corps huilé. Car on l'a attaqué, affublé d'énormément de choses incohérentes du style que Star Wars 8 est sexiste. Est-ce que vous avez trouvé... Ah, t'as vu ça, toi ? Oui, mais genre énormément sur la toile. Il y a même des gens... Sur l'internet, madame. Mais sur les internets. 3615 Star Wars. C'est quelque chose qui est fortement divulgué sur internet, comme quoi, est-ce que vous avez trouvé, est-ce que c'est sexiste ? Est-ce que Star Wars 8 est sexiste à vos yeux ? Bon, pas plus que les productions habituelles. on a rien à dire. Non. C'est l'un des, on va dire quand même, l'un des seuls Star Wars où l'éventuel Jedi serait donc une femme. Les héros secondaires sont des femmes. Il y a Rey qui porte ses couilles. Il y a Holdo, Capitaine Holdo, qui est donc la dame qui prend général d'ailleurs, qui aussi prend des décisions, qui calme. Le gars, je sais même plus comment celui qu'elle aime bien. Justement, ce con, parce que malheureusement, il a une morale dessus, c'est qu'il est un peu attardé, les héros ben, sont pas des, des personnes qui sont... qui foncent dans le tas et qui sont trop courageuses. Voilà, et les personnes qui réfléchissent sont des personnes de l'ombre. Des personnes qui ne divulguent pas tout, qui ont des stratégies, qui cachent un petit peu leur jeu. Et Holdo, donc la générale, ben, c'est ça, et Meepo, donc à défaut, en l'évitant de prendre trop de mauvaises décisions, comme on a pu le voir au début du film. Pour revenir sur le sexisme, est-ce qu'il passe le test de... Bechdel ? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais il y a aucun film qui passe le film. Ouais, mais en l'occurrence... Attends, elle parle un moment à Leia Rey à la fin, mais ça dure 2 secondes. Holdo se... avec Princesse Leia se ouais, parle. Non, parle non, elle, par, elle parle de Poe. Elle parle de Poe. Elle dit qu'est-ce qu'il est... Et en plus, qui rigole... Attends, non, attends, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ah, je l'aime bien, lui. Non, mais je l'aime bien, lui. Alors qu'en qu'il fait, vient, il vient juste de faire une trahison. En vrai, tu l'exécutes. Vraiment, en vrai, ce qui se passe, c'est que tu l'exécutes, en fait. Tu balances dans l'espace et on n'en parle plus. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on avait aussi parlé du test de Bechdel dans le dernier épisode, enfin dans l'épisode qu'on avait fait avec toi. Exactement, sur, ça sur revient très souvent. Voilà, on en revient toujours au test de Bechdel et avec toi. Et il ne le passe pas, donc. Mais il passe pas, et aucun film qu'on voit qui passe. Bah, après, je trouve que par contre, enfin moi, je, en tant qu'héroïne, je l'apprécie. Après, je trouve qu'elle n'a pas encore été tellement développée que ça comme personnage. Même là, dans le 8, finalement... Ils ont développé Ben, en fait. Ils ont développé... Kyle, bah, Kylo Ren. Comme d'habitude, ils ont développé énormément le personnage masculin, son pendant. Ce qui mais... n'est pas plus mal... enfin, c'est pas par rapport à Rey que je dis ça, mais simplement que je suis d'accord à ce qu'ils aient fait le choix de développer ce personnage-là du fait des choix qu'ils avaient fait sur le set. C'est un ado boutonneux. Oui, c'est un ado boutonneux. Dans le sens, le set, tout le monde se disait ouais, « Le casting est pourri, ce personnage ne correspond pas du tout au méchant !» Il change etc. vachement de... Vraiment de... Enfin, vous avez quelque chose à rajouter sur Star Wars 8 ? Non, à part que c'est moi, je suis à mes yeux un excellent film. Ah, pardon. Moi, je suis très curieuse de savoir la suite. Et voilà. Parce que voilà. Pour moi, en fait, je ne peux pas juger un film Star Wars tant que la trilogie n'est pas sortie. Alors, je suis un peu d'accord, sauf que je pense que Solo, ça va être... Nul à chier. Alors attends, je t'arrête. Est-ce que tu as vu la bande annonce? Non, même pas, mais je pense bon, que bon, bon bah alors on en reparle quand t'as vu la bande annonce. Ouais, on en reparle quand ça sera vu. Nul à chier. Nous on a vu. Bah pour moi c'est un bonheur de travailler dessus. Ah, je rigole, je travaille pas du tout dessus. Je doute, j'en doute pas hein, mais non mais je travaille pas du tout dessus en plus. Mais je sais pas, moi je suis Non non, quand on passe de Christopher Lloyd et enfin Christopher Miller et Phil Lord à Ron Howard, c'est que globalement ça pue la merde. Hein. Vraiment, ça pue la merde. Hein. C'est. En vrai. Enfin, là, c'est le grand écart du film. En vrai, non, il y a eu d'autres films pour lesquels c'est ce qui s'est passé et finalement. Non, ça... pas autant un grand écart quoi. Là, on est vraiment sur. On passe de The Last Man on Earth à Willow. Enfin, c'est... Moi, en vrai, je pense que par contre, le registre va être totalement différent de ce qu'on connaît pour les Star Wars. Je pense que ça va pas du tout être en mode SF comme on a pu le connaître. Avec les Star Wars, je pense que ça va vraiment être un ton différent. Bah, le problème, mais... c'est que je pense que ça va être un hybride. Parce que à la base, ils ont pris des réalisateurs qui font des séries, des trucs de rôle. Et Ron Howard, il fait des trucs de commande. Pour te dire, il a fait la trilogie Dan Brown. Non. Ah, si. Il a fait la trilogie Dan Brown. Donc tu te dis, wow, le gars, il est vraiment pas dans le domaine du. Et on a vu Imperium. Tu l'as vu, toi? Non, parce que oui, on se fait une petite rétrospective des familles Daniel Radcliffe sur tous ses films non Harry Potter, parce qu'on a déjà vu tous les Harry Potter. Et je pense qu'un jour, on fera une émission spéciale avec Romain, parce qu'on a vu les 7 tous ensemble. Donc, les 8 même. Même si, bon, le 5 et le 6, je les ai vus deux fois, j'ai toujours pas de souvenir. Hein, mais... on a vu Imperium, qui est un film avec Daniel Radcliffe, réalisé par un... Je sais pas. Je me rends compte que je n'ai aucune donnée. C'est un film qui est sur Netflix. Et c'est, je crois, pas un film gros budget. Mais en fait, l'idée, c'est que Daniel Radcliffe, c'est un agent du FBI qui est infiltré dans un groupuscule néo-nazi aux États-Unis. Et globalement, c'est hyper bien. Quelques longueurs, la fin qui tombe un peu en chaussette sale. Mais sincèrement, ça fait réfléchir sur... la capacité de ce type de groupe à agir. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'entendre parler des groupes terroristes islamistes, un peu des groupes nationalistes, style ETA ou les Corses. Mais en fait, finalement, les néo-nazis, comme le Ku Klux Klan, enfin des trucs aux États-Unis, quand on parle des États-Unis, qui sont un peu dérivés de ces choses-là, on n'a pas l'habitude d'en entendre parler. Et en fait, on se rend compte que ces gens-là, ils ont un appui énorme, c'est-à-dire notamment dans l'armée. Comment ça? Bah, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens de l'armée qui regroupent, qui rejoignent ces gens-là. Donc, ils ont une connaissance militaire, souvent c'est des soutiens, des capacités à avoir des choses, des explosifs, des armes, sachant qu'aux États-Unis, c'est quand même plus simple d'avoir des armes qu'en France. C'est-à-dire que eux, ils ont plus de pas de moyens dans le sens argent, mais de soutien, de capacité technique. Est-ce que ça, c'est pas cohérent avec la notion du troll qu'il ne faut pas nourrir, dans le sens « do not feed the troll » Non, non, là c'est vraiment des mecs ultra vénères. Alors, en fait, qui planifient par eux-mêmes des attaques, etc. Ce sont vraiment des gens... Dans le film, on parle comme d'attaques nucléaires. Oui, non. Non mais voilà. Enfin, en fait, non, ils, en fait, troll, mais plus on en parlait, peut-être plus ce serait dangereux, ou parce qu'il y aurait plus de gens qui trahiraient la cause. Non, c'est pas ça, parce qu'en fait, c'est de ce que j'ai, enfin, de ce qui. En fait, c'est des gens qui ont déjà énormément de personnes associées à leur cause, mais ils sont juste beaucoup plus discrets dans leur façon de. Ils cherchent pas. En fait, quand ils veulent se mettre au plein jour, c'est juste pour recruter des gens. Je fais juste une pause pour dire qu'en fait, à la réalisation et au scénario d'Imperium, c'est la même personne, c'est Daniel Ragusi, qui n'est pas connu, il n'a même pas de page Wikipédia, donc pour dire le truc. Mais son film, du coup, est sorti en... Imperium est sorti en 2016, et franchement, je ne sais pas si c'est son premier film, du coup, mais en tout cas, c'est quand même bien écrit et bien réalisé, enfin... Ouais, c'est pas... Franchement, c'est bien, et sur... Enfin, moi... Enfin, ce qui fait réfléchir sur ce genre de truc, c'est qu'ils se la jouent discret parce qu'ils savent comment fonctionnent les services de renseignement. Et en gros, ils planifient des attaques à grande échelle pour créer une guerre raciale. C'est en aucun cas une idée de révolution, de choses comme ça. C'est vraiment pour créer une guerre raciale. Juste et, méga vicieux, quoi. C'est ça. Et ce qui fait flipper dans le film, c'est qu'on se rend compte qu'il y a les néo-nazis basiques. C'est-à-dire crâne rasé, les voyous, voilà, croix gammée tatouée dans le dos, les dérivés de bikers, enfin des groupes de bikers un peu vénères. Et qui cherchent juste à casser la gueule des gens de couleur. C'est ça, et en fait, après, t'as les mecs qui organisent et qui planifient, qui sont, comme décrit dans le film, en fait des pères de famille aisés. Tout à fait normaux. Tout à fait normaux. Et en fait, c'est juste vraiment des nazis, au sens brut du terme. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier. Tu sais, dans le fait où ils ont des livres théoriques sur le nazisme, sur le pourquoi l'homme blanc est supérieur, etc. Je veux dire, c'est des gens qui ont théorisé leur pensée et en fait qui l'ont rationalisé dans le sens où, en fait, dans le film, à un moment, il y a Daniel Radcliffe qui s'entretient avec un de ces hommes-là, donc un père de famille aisé, etc. Et en fait, le mec lui conseille des livres par rapport à ce mouvement de pensée. Et il lui dit, moi je ne suis pas comme ces voyous, ces casseurs, donc les néo-nazis un peu punk. Il dit vraiment, lui, il se considère comme un homme rationnel qui a lu, qui a théorisé cette... qui a lu pour théoriser cette idée que l'homme blanc est supérieur. Ça, c'est effrayant. En fait, le truc qui est très bien montré dans le film, c'est que ce mec-là, il fait encore plus peur que les brutes épaisses qui entre guillemets cassent juste la gueule des gens. Il est terrorisant cet homme. Et en fait, c'est ça qui est pour moi très intéressant dans ce film, c'est que ça montre, alors c'est une porte d'entrée, la découverte de ça, mais pour moi ces gens-là représentent une menace directe. C'est une porte d'entrée au danger que représentent ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils, comme dit Victoire, ont rationalisé, c'est des gens cultivés, c'est des gens qui ont compris, et c'est effrayant le pouvoir qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils peuvent être infiltrés maintenant avec l'administration Trump, c'est effrayant à quel point ces gens-là... Quand tu vois Steve Bannon, qui était le conseiller principal de Donald Trump, ce mec-là, il est proche de gens comme ça. Et ils enrôlent aussi énormément de personnes. Et ce qui est un moment assez ouf, c'est qu'il y a une espèce de prédicateur de ce mouvement qui est noir et qui a une position très importante et qui enrôle des personnes de son quartier, dont aussi des personnes de couleur. Et alors que c'est quand même un mouvement Oui, néo-nazi relié au Kukux... Au Kukux clan. je m'en sortir. Au Kukux clan. Et en fait, ils sont tellement dans un discours en mode c'est rationnel, en mode c'est... En fait, c'est normal de penser ça, qu'ils arrivent même à enrôler des personnes de couleur. Ah ouais, c'est hallucinant. Alors que, techniquement, c'est vraiment pour affirmer la suprématie de l'homme blanc. Enfin, c'est délirant. C'est incroyable. Et Daniel Radcliffe joue très bien. Il joue très bien. D'ailleurs, il s'est rasé le crâne en mode YOLO. Hein. Ah ouais, il est exceptionnel. Et en plus, tu peux voir aussi, chose intéressante, la vie d'un infiltré. C'est-à-dire qu'il te montre vraiment... Pas en profondeur, mais il te montre que quand t'es infiltré... Tu coupes ta vie sociale. Tu n'as aucune vie. C'est-à-dire que là, par exemple, à un moment, le mec, il loue un appart et qu'il a juste son ordi portable dont il se sert pour communiquer avec le FBI dans son canapé, sous un coussin. C'est son seul truc dans son appart qu'ils ne doivent pas découvrir. Le, lui correspondre, en fait. C'est ça. Et c'est son seul lien avec sa vraie vie. C'est ça. C'est et ça. Les mecs débarquent à 7h du matin en toquant chez lui. Comme des grosses brutas. C'est-à-dire qu'il n'a aucune vie. C'est-à-dire qu'il vit chaque instant... Dans ce rôle. C'est qu'il quitte. Il quitte le monde réel, en fait. Et ça, c'est intéressant. Il est hyper convaincant. Moi, à aucun moment, je me suis dit, par exemple, non. C'est Harry Potter. Non, tu crois. Alors que, tu non, crois mais c'est con, hein, mais Daniel Radcliffe, il a quand même fait 8 films où il a suivi comme Harry Potter. Et c'est quand même difficile. Par exemple, pour le Rupert Grint, qui joue Ron, je crois que c'est pas aussi simple. Emma Watson, elle a réussi. C'était pas évident. De sortir. Luke Skywalker, c'est la même chose. Hein. C'est ça, c'est très difficile de sortir de ce rôle-là. Et sincèrement, Daniel Radcliffe, je crois qu'il a quand même un talent. Quand tu vois les premiers films Harry Potter, c'était pas un talent inné, hein, mais il a travaillé son truc. Ce qui fait que maintenant, moi, on a vu Horns aussi qui est un peu plus. Un peu plus perché. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que Daniel Radcliffe, en fait, c'est ce qu'il explique souvent en interview, c'est qu'étant donné qu'il est très riche grâce à Harry Potter, il peut vraiment, mais qu'il adore être acteur, vraiment, ça le fait kiffer. Et en fait, il choisit que des projets. Tous les films qu'il a fait depuis Harry Potter sont des projets comme ça, hyper pointus, hyper indépendants. Il choisit ses projets. Il choisit énormément ses films. Et à chaque fois, ce sont des films très très peu connus, comme Horns, comme Imperium. Swiss Army Man. Qu'on n'a pas encore vu, mais ça a l'air chaud. On l'a pas encore vu. Avec Paul Dano, et j'aime tellement Paul Dano, mon gars. La Dame en Noir aussi. Enfin, il ne fait. C'est ça. Il ne fait que des films très indépendants, mais par contre, il a un talent qui s'exerce et dans des registres très différents. Parce que autant Horns, c'était un peu drame fantastique, autant là, c'était très thriller, très nerveux, très engagé politiquement aussi. Puis c'était très. En fait, même si au final, c'est un petit peu plat. Il y avait des gros moments de stress. Le truc, c'est qu'il crée des moments de stress parce qu'en fait. Ils te font comprendre que ces gens-là, même s'il ne se passe rien, tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y a une menace qui pèse sur toi en permanence. C'est qu'en fait, ils sont constamment... Tu ne sais pas comment les skinheads, les néo-nazis vont réagir. C'est-à-dire qu'ils jouent vraiment là-dessus. Et je trouve que c'est vraiment bien. Parce qu'au final, il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait... Il y a une tension. Il y a une tension parce qu'en fait, ils sont totalement... J'ai perdu le mot. En roue libre, mais imprévisible. C'est-à-dire que des fois, ils mettent des coups de pression, genre ils posent des questions, ils laissent des gros silences et après ils se marrent, tu vois. Ce qui fait que t'as l'impression d'être dans la peau du personnage, dans le sens où t'es dans un monde indéterminé. Genre, tu sais pas comment ils vont réagir. Rien ne va avoir une cause à effet que tu connais. C'est ça. Exactement. Et là, tu dis pas, il s'est passé ça, il s'est rendu compte de ça, donc. Non, les mecs, ils sont totalement en roue libre, ils sont imprévisibles, ils mettent des coups de pression pour se marrer, après ils mettent des coups de pression, ils se marrent moins. Et en fait, tu sais pas s'ils ont capté qu'il était du FBI, que c'était une taupe. Ou s'ils mettent juste des coups de pression par plaisir. Voilà, tu ne sais jamais. Tu ne te rends jamais compte si. Si ça. Pendant le film, tu te sens pas bien. Non, c'est vraiment ça. C'est dommage, la fin, je trouve que ça tombe un peu en. Mais c'est son premier long métrage. Pour moi, c'est quand même un film qui reste. Qui est très très fort. Très très fort. Hâte de voir ça sur Netflix. Ouais, c'est sur Netflix. Imperium, donc de Daniel Ragusi. Daniel Ragusi. Et c'est sorti en 2016 et c'est sur Netflix. Et c'est l'heure des recommandations. Alors, dans recommandations, il y aura deux choses. Il y a les recommandations que vous faites et les recommandations que vous espérez faire. C'est-à-dire s'il y a des choses que vous avez envie, dont vous croyez, vous y croyez, tu vois, tu penses que ça va être bien, t'as envie de le voir et t'espères que ça sera bien, c'est la bienvenue. Après, s'il y a vraiment rien qui te donne envie dans la vie et que tu vis une vie morne et triste et que tu n'attends plus rien, mis à part le sommeil éternel, soit, on accepte. Alors moi, pour mes recos, ça va être très rapide pour le début. Alors déjà, j'ai répété ça pendant toute la première saison en toute mauvaise foi, donc je reste constant. Hein. Regardez BoJack Horseman. Là, on reste sur une bonne continuité. La dernière saison, alors il y a l'épisode, je crois que c'est l'épisode 3, qui mélange en fait le passé et le présent avec une découpe autour du personnage, où en fait il se balade dans le décor présent, mais il y a une découpe autour de lui, graphique, qui fait que c'est dans le passé, et en fait il revit l'histoire de quand il était petit. C'est un épisode qui est sincèrement traumatisant. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. C'est un des meilleurs épisodes de série dramatique que j'ai pu voir de ma vie. Et la dernière saison de BoJack Horseman est encore mieux que celle d'avant, qui est encore mieux que celle d'avant, qui est encore mieux que la première, qui est incroyable. Donc sur Netflix, encore une fois. Regardez BoJack Horseman, voilà. Donc ça, c'est une minute. C'est un peu le. C'est un rappel. Hein, c'est un rappel. Regardez BoJack Horseman, c'est incroyable. Regardez Big Mouth parce que. Encore une série animée parce que, à croire qu'il n'y a que les séries animées qui sont capables de faire des trucs nouveaux. C'est quand même incroyable. Big Mouth, c'est une série qui parle de la sexualité des adolescents. De la puberté. Et de la puberté. Et c'est extrêmement important parce que c'est la putain de première série qui parle de ça. C'est vraiment la première série. Donc, même s'il y a des défauts, même si des fois, bon, il y a des ventres mous, putain, ça fait du bien, quoi. Et moi, si j'avais vu ça à 13-14 ans, ça aurait peut-être... il y aurait peut-être eu des choses où j'aurais peut-être moins complexé et tout, et je trouve que c'est vraiment bien de faire ce genre de série qui parle... c'est con, mais d'ados qui se branlent et d'ados qui se masturbent. Enfin, je veux dire. Donc tu dis au brave auditeur de 14 ans de regarder cette. Grave. Enfin, et je veux dire. Il n'y a pas que l'aspect sexuel, c'est tout un mélange. Il parle des règles chez les jeunes filles. Il parle d'énormément de choses dont il faut parler. C'est con, mais c'est les seuls qui le font. Hein. Donc. Voilà, et en plus, ils ont un générique qui est magnifique que vous aurez la chance d'entendre à la fin de cet épisode si on se fait pas striker avant par Apple Podcast, qu'on remercie hein, au demeurant. Très, très bien. Cette ville est absolument magnifique. Si je pouvais parler d'une série, il y a deux choses que j'ai très envie de voir. Et je m'y connais. Qui est alors Diable. Comment font donc les gens ici pour ne pas salir leurs souliers? La plupart n'en ont pas. Alors, un truc qui est pas du tout nouveau. Qui est The Jinx. Elle est bonne celle-là, pas de souliers. J'avoue. Qui est une série. Vous savez, Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Ah, c'est très bien. C'est une dictature, comme vous y allez. Et des sympathiques de Laurence, mais pas en fait, vos analyses politiques. C'est sur un tueur en série, donc c'est avec des interviews de vous. Et vous savez ce que c'est qu'une dictature? En fait, une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'Ouest. D'accord. J'ai pas envie de faire et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, si vous une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe quelle. La France du général. Pendant le documentaire, il y a eu un peu de twist. C'est ça le truc. C'est que pendant le tournage du documentaire, apparemment, il y a eu un truc. C'est ce que j'ai vu, donc on nommera pas, mais c'est Adrien Méniel qui parle de ça dans le Floodcast, et du coup ça m'a donné envie de regarder parce que j'avais déjà regardé The Imposter. Regardez The Imposter, c'est comme BoJack Horseman, hein, je le répète à chaque putain d'émission, regardez The Imposter, et ça me donne vraiment très envie parce que j'aime beaucoup les tueurs en série, hein, petite passion un peu morbide, et que Mindhunter ça m'a un peu laissé sur ma faim, donc je pense que je regarderai The Jinx. Et je suis très hypé pour rester un peu dans la même veine par The End of the Fucking World. Ah ouais, toi, ça te hype à ce point? Ouais, moi, j'ai pas osé regarder, mais ça me... Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant qu'on commence quelque chose? Ben si, je te l'ai dit, mais tu m'écoutes pas, c'est juste ça. Enfin, c'est... t'as envie de regarder ce que t'as envie de regarder, et que moi, je dis des trucs, mais... C'est informatif. C'est pas décisionnel. C'est la différence entre l'information et le décisionnel. En plus, t'exagères, parce qu'à la fin de The End of the Fucking World, on regarde Dark, qui est très bien aussi. Donc, ce même créneau. Oui, mais ouais, alors Dark. On m'en a dit plus grand bien aussi. Alors, on en parlera quand on aura fini. Ouais, c'est en cours. C'est un peu lent, mais c'est allemand. Voilà. c'est le commentaire. Non, mais en fait, c'est ce que pour rappeler, avec Hugo, on garde deux types de séries en même temps à chaque fois. Il y a les séries longues du soir, tu sais, un petit peu façon film, etc., où les épisodes peuvent durer 50 minutes, 1 heure, comme Dark là en ce moment. Et on alterne avec des épisodes plus légers qui durent souvent 20-30 minutes et qui sont un peu plus sitcom. Donc là, en ce moment, on regarde Grace et Frankie, la saison 4. Qu'on aime beaucoup, on est là quand même à la saison 4. Hein, qu'on aime beaucoup, ouais, qui est sur Netflix. Et on regarde également, on a commencé The Good Place, dans le même registre, épisode court, rigolo. Mais bon, donc du coup, toujours est-il qu'on a commencé Dark, mais on ne s'empêche pas de regarder The End of the Fucking World quand on aura fini Dark. Sauf que End of Fucking World, je crois que c'est des épisodes de 30 minutes. Hein. T'es sûr? Je suis pas sûr. Hein. Mais on n'est jamais sûr dans cette émission. Donc voilà, c'est tout pour mes recommandations. On pourrait passer par exemple à Chix. Alors, au niveau recommandations, je vais être assez rapide. Alors, je crois que tu es assez nippon. Oui, en ce moment, je suis tout à fait nippon. j'ai suivi tout simplement la mode qui est des nouvelles saisons qui sortent en ce moment, c'est-à-dire Assassination Classroom et d'un autre côté, la saison 2 de Attack on Titans. Donc c'est l'attaque des titans en français. Les deux qui sont sortis il y a à peine 2 semaines, l'un m'a fait pleurer à la fin, Assassination Classroom, qui m'a vraiment, même si là, je vais me répéter vis-à-vis de vous, le mécanisme de, on va dire, du un peu shonen, du côté, bon, on voit la fin arriver, enfin voilà, depuis le début on nous dit que en mars, eh ben, il va y avoir, ce sera la fin, on est fin février, bon, on se doute que ça va être la fin du coup, voilà, c'est, y a des choses comme ça, bon voilà, c'est la fin de la série. C'est la fin de la série. Ils avaient annoncé. Alors pour la suite, je sais s'il y a une suite, ben voilà, ça va me hyper, hein, mais pour le moment, en tout cas, il y a une belle fin et je ne dirai pas donc. C'est un épisode par semaine. C'est terminé et c'était c'est sorti tout d'un coup. Ok. En tout cas, et c'est en français aussi sur Netflix. Donc vous pouvez retrouver cette. Toi, tu regardes en japonais sous-titré français ou en français? Ça dépend. Ça dépend de mon niveau de fatigue. Exactement. Et là, en l'occurrence, la VF est excellente. Ah ouais, c'est rare sur les animés. Et mais franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré la VF sur Assassination Classroom. Et je n'ai rien à redire par rapport à ça. Ah, mais c'est rare parce que moi, j'avoue, je l'ai regardé en. Je crois en japonais. C'était français et j'avais pas trop accroché. Mais après, je suis pas très animé, donc je suis pas très objectif. Il faut être, en fait, il faut connaître un petit peu la culture nippone pour peut-être être sensibilisé à ces intonations de voix, etc. Mais il y a du charme. Il y a du charme dans les intonations de voix. Déjà, dans la saison 1, il y en avait. Et la saison 2, ça reprend les bons côtés. Malheureusement, aussi en lenteur de la première saison. Mais par contre, il y a une évolution des différents personnages, des plot twists qui manquait dans la saison 1. C'est ça. Je vous recommande sincèrement la saison 2. Pour Attack on Titan, c'est ben. Mais Attack on Titan, c'est. La deuxième saison est sortie très tard, non? Enfin, la première saison, elle est sortie il y a assez longtemps, non? Alors, oui, c'est vrai que ça fait déjà quelques temps. Ça fait déjà plus d'un an que. Voire plus, ouais, que j'avais regardé. Je crois que ça fait. Enfin, je sais pas. En fait, je dis ça, mais j'en ai. Comme d'habitude. N'hésitez pas à vous renseigner vous-même sur les dates de sortie, sur les réalisations, tout ça. Enfin, dans cette émission, nous vous apprenons la critique. la critique nous, de nous-mêmes. Voilà, on dit si c'est bien ou pas, mais après on donne pas les dates, tout ça. Mais je crois, Attack on the Town, c'est quand même assez ancien, hein. Enfin, je veux dire. Ça commence, mais c'est franchement excellent. Bon, il y a juste un problème d'échelle. C'est-à-dire que la saison 1 est de 24 à 25 épisodes, la saison 2 est de 12 épisodes. Ah ouais. Ça fait C'est réduction de coût ou c'est réduction d'histoire? Alors, c'est un déséquilibre en tout cas qui fait un peu mal. Hein. L'histoire, j'ai envie de dire, mais non, il y a énormément de corps. Il y a énormément de choses à dire dans tout ce qui se passe, etc. Il y a des plot twists extrêmement importants, il y a une avancée qui manquait dans la saison 1 sur qu'est-ce qu'est le monde parce que bon ben de ce qui se passe autour de la ville. On avance dans le scénario mais on n'avance pas dans le monde dans lequel ils agissent dans la saison 1, tandis que dans la saison 2 on avance moins vis-à-vis des personnages, mais par contre qu'est-ce qu'on apprend sur les Titans, qu'est-ce qu'on apprend sur ce monde, c'est passionnant car on se rend compte que ils créent quelque chose, ils créent un nouvel univers dans ce manga. Et c'est pour ça que je vous le recommande, malgré le côté un peu gore qu'est l'attaque des Titans. Que moi, bon, ça me touche particulièrement, mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui aiment beaucoup cette partie. Victoire, t'as un truc à dire? Dans mes recos / attentes. Ouais, c'est ça, il y a les deux. Dans mes attentes, là, il faut que je regarde la bande-annonce de la saison 2. De Westworld qui est sorti pendant le Super Bowl. Ah! Parlons-en. Je l'ai pas encore. Visiblement, je vois Chix tout s'exciter. Mais oui, j'attends. Est-ce qu'il y a des samouraïs? Quoi? Mais il devait pas y avoir des putains de samouraïs? C'est vrai qu'il y avait un autre. Ah oui, il y avait l'entrepôt. Avec des putains. Moi, je veux des samouraïs. Non, attends, de toute façon, on regarde la bande-annonce après. Mais la saison 2 sort le 23 avril. Non, mais très bien. Moi, s'il n'y a pas de samouraïs, déjà, je boycotte. Donc, déjà. La saison 2 sort le 23 avril, donc moi j'ai hâte, je vais regarder la bande-annonce dès que l'émission sera terminée. En bonus, on peut parler de notre chat, Olaf. Gros Laf. Qu'on a adopté depuis 2-3 semaines, là ça va faire 3 semaines demain. Qu'on a adopté via une association, donc c'était quand même un projet qu'on avait, depuis un moment, enfin d'adopter un chat avec Hugo. Et on voulait absolument passer par une association. Pour tout simplement déjà parce que si on est contre les animaleries, etc., le fait de vendre les animaux, c'est quand même un concept qui nous dépasse et qui nous débecte, disons-le. Oh bah oui. Hein. Disons-le. Et en fait, à Paris, il faut savoir qu'il y a énormément d'associations qui permettent d'adopter des chats qui sont abandonnés dans la rue. Enfin, vraiment, il y a énormément de chats qui n'attendent qu'une famille. Enfin, non, mais, on va brère, non mais oui, enfin... Enfin, les gens, ils achètent des chats, ils les prennent sur le bon coin, ou ils prennent des chatons, j'en sais rien, mais il y a énormément de chats qui attendent que vous, entre guillemets, dans des refuges. Olaf, en l'occurrence, on l'a adopté, il a 2 ans, donc effectivement, ce n'est pas un chaton. Non, c'est pas beau chaton de 6 kilos, ouais. Non, mais on ne le connaîtra jamais quand il était tout petit, tout mignon. Mais il est super chouette, il est un peu foufou. On ne sait pas ce qui lui est arrivé avant, c'est juste qu'il a été sauvé de la fourrière par l'association. Parce qu'il allait être euthanasié. Ouais, il allait être euthanasié, il a été sauvé de la fourrière. Donc tu fais une reco de Olaf. Qui a l'air d'ailleurs de beaucoup être très sage avec toi, Chix. Oui, dès qu'il est sur mes genoux, apparemment, c'est... Ouais. Non, mais enfin, toujours utile. Est-ce que donc... tu peux rester un peu cette nuit? Ouais, il nous empêche un peu de dormir la nuit, mais... Si vous devez adopter un animal, pensez à ça, pensez aux assos, pensez à la SPA. Là, en l'occurrence, pour Olaf, on l'a adopté via l'association Alerte SOS, qui permet d'adopter aussi bien des chats que des chiens. Donc, allez-y, quoi, je veux dire. Et c'est pas parce que le chat ou le chien a 2, 3, 4 ans que ça y est, il est périmé, la date de péremption est passée, on ne peut plus l'adopter, je veux dire... Ce sont des animaux, ils ont besoin d'une famille, ils ont besoin d'un toit, ils ont besoin d'amour. Et pour l'anecdote, une des responsables de l'association a adopté un chien qui avait 9 ans au moment où elle l'a adopté, qui allait se faire euthanasier. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, il est encore vivant. Donc le chien, elle a quand même vécu 10 ans avec, il est toujours là. Très bien. De bonnes paroles. Alors, adoptez des chats. Si vous voulez prendre un chat, adoptez-le d'une association. Une dernière petite reco, parce que on n'en a jamais trop, hein, globalement, les gars. J'ai découvert la chaîne de Odd Gunny Joubert, alors qu'on a déjà vu dans le Palma Show, dans le Golden Show, dans énormément de sketch shows, qui est une femme extrêmement talentueuse qui a lancé sa chaîne en partenariat avec le CNC sur les femmes qui ont marqué l'histoire. Et donc c'est Odd GG sur YouTube, je vous encourage à la suivre et à regarder ses vidéos. J'ai notamment commencé par ses vidéos qui s'appellent Virago, qui racontent la vie d'une femme importante de l'histoire. Et j'ai enchaîné sur l'histoire de Nour Inayat Khan, qui sincèrement m'a fait chialer. C'est-à-dire que c'est une vidéo qui dure 3 minutes 29, j'ai chialé. Et c'est incroyable. Elle a une façon de mettre en scène les histoires qui est incroyable. Elle a un don pour les raconter qui est incroyable. Et surtout un don pour faire passer le message qui est extrêmement important. Que, quelle que soit l'époque où nous vivons, on a chié, nous les hommes, sur les femmes. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez aller vous faire foutre, hein, gentiment. Ou surtout, allez vous renseigner. Oui, en fait. Allez vous faire renseigner. Allez regarder cette vidéo. Et globalement, c'est assez incroyable parce qu'elle arrive vraiment à le mettre en scène de façon incroyable. Et je pense que c'est à la fois une vraiment bonne source d'information parce que je connais peu de gens dont elle parle. Donc déjà, ça fait plaisir d'avoir un peu de culture. Mais en plus, ça fait une petite piqûre de rappel qui est pas de trop. Et si vous vous ennuyez pendant vos soirées entre amis, nous recommandons le jeu de société de Doc Seven. De Doc Seven qu'on m'a offert gracieusement. On se demande qui c'est qui l'a acheté. Merci Victoire. Le jeu de Doc Seven ainsi que d'ailleurs son livre. Oui. 777 faits incroyables sur ce qui nous entoure. Qui sont deux objets vraiment très très cool. Alors déjà, ce sont deux objets hyper qualitatifs, je trouve. Que ce soit au niveau du jeu de société ou le livre, de ce que j'ai pu en voir, c'est pas en mode le livre, je l'ai feuilleté avant de l'offrir à Hugo, c'est aussi moi qui te l'ai offert, dis donc. Bah oui, les deux. Et niveau du graphisme, parce que tu sais, c'est juste, concrètement, c'est juste un livre de 777 faits divers, enfin de fun facts, tu vois. C'est très joli le graphisme, la façon dont c'est présenté. Ouais, la façon dont c'est présenté, c'est. Il y a une qualité de. Même l'objet, le livre est très beau. Fin... Tu vois, le but, c'est pas un roman, c'est pas un truc que tu vas lire de la même manière qu'un livre classique. Mais c'est un livre que tu vas lire 3-4 pages, bah, tu vas apprendre des choses, c'est cool. C'est un miscellané. Donc. Un miscellané. C'est-à-dire c'est le nom du livre qui a donc diverses informations mélangées au sein du. Je me c'est noie ça. Sous un torrent de culture avec toi, Chix. C'est ça. C'est incroyable. Bah et d'ailleurs, souvent, Hugo le lit le soir avant de dormir. Et je ne peux pas lire, moi, mes romans tranquillement, vu qu'il m'interrompt littéralement toutes les 3 secondes pour me dire « Eh tiens, regarde ce que j'ai lu qui est drôle !» Sauf qu'il me fait ça pour pratiquement chaque anecdote. Donc merci, Doc Seven. Visiblement, toutes les anecdotes sont choisies avec énormément de soin parce que j'en entends parler. Et bah oui, bah, je trouve ça très intéressant. Et le en jeu plus, de société est top. Ouais, il y a son jeu de société. Alors qu'on recommande de jouer à 3 ou plus. Ouais, pas à 2. À 2, c'est pas forcément hyper intéressant. Voilà, à 3 ou plus, c'est vraiment très très bien parce que ça joue sur les mimes, sur faire deviner, sur dessiner. Enfin, il y a vraiment plein de trucs différents. Et sincèrement, c'est. Et c'est, en fait, c'est un peu un dérivé de Trivial Pursuit dans le sens où t'as plusieurs catégories. T'as une catégorie histoire géo, une catégorie sport, une catégorie pop culture, une catégorie geek. Donc c'est très. Une catégorie art. C'est très complet et c'est super drôle, on apprend énormément de trucs et en même temps on se marre vraiment parce qu'il y a des moments quand il faut dessiner des choses un peu improbables. On se souvient d'une partie qu'on a fait avec Romain où il a dû dessiner le général de Gaulle. C'était plutôt Donald Duck. Ouais, c'était un canard avec. Non, bien il devait dessiner Donald Duck. Et il a dessiné. Non, mais c'est ça, il devait. Il devait dessiner en plus, Donald. C'est exactement l'inverse. Il devait dessiner Donald Duck et en fait, on a proposé le général de Gaulle. Et donc. Il avait fait un képi et tout. Il s'est ressemblé vraiment au général de Gaulle. Ah oui. Et vraiment, son jeu. Alors, on a un peu râlé au début parce que l'application liée n'était pas encore en ligne. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, par exemple, des fois, tu dois proposer 7 réponses. Mais il n'y a pas forcément que 7. Donc, toutes les réponses sont sur l'application. Donc, c'est pas gênant à partir du moment où tu l'as. Mais quand on a acheté le jeu, il n'y avait pas l'application. Parce qu'on est trop avant-gardiste. Voilà. Que maintenant, c'est sorti. Donc, on est content. Et tout le monde est content. Donc, on recommande. Bah, voilà. Surtout que je pense que par rapport à des gens qui font, entre guillemets, juste des Tipeee, je trouve que c'est une manière vachement plus intéressante et intelligente de gagner de l'argent en tant que youtubeur, parce que là déjà c'est complètement dans la ligne éditoriale de sa chaîne, où à chaque fois c'est sa chaîne c'est sur des vidéos sur des faits, enfin des fun facts, etc. Et là c'est vraiment, donc non seulement c'est dans la ligne éditoriale, mais en plus c'est un contenu hyper qualitatif, hein, que ce soit le jeu de société qui est hyper complet, hyper bien fait, ou le livre. Ouais, les deux sont très très fins. C'est pour le coup, ça fait super plaisir, quoi. C'est pas tu mets 2 euros dans un Tipeee. Alors pourtant c'est pas non plus premier prix, quoi, ce qu'il a fait. Enfin, ces deux objets. Oui, non, c'est qualitatif. Je peux être transparente par rapport au prix ou pas? Ben oui. Mais non, on a répété les prix de Golden Moustache 1000 fois. Donc, Bah, par exemple, le jeu de société. Après, moi, je trouve que ce sont des prix totalement normaux par rapport aux objets ou au contenu. Le jeu de société est à 30 euros. Très bien. Donc, c'est un prix de jeu de société. Même, c'est même moi, je trouve ça hyper raisonnable. C'est le prix de notre Mr. Jack. Et le livre était à, si je me trompe pas, 20 euros. Donc c'est quand même une très belle édition, prix habituels, hein. c'est un livre assez épais, je ne sais pas quelle maison d'édition c'est peut-être indépendant d'ailleurs. C'est relativement cher pour un livre de youtubeur, comme on ouais, peut mais voir. Il est vraiment, c'est un beau livre, quoi, il est épais, c'est presque un livre de collection en fait. Par rapport à Squeezie, on va dire au livre de Squeezie, au livre de Professeur... J'aime pas qu'il ait fait des films, Il a fait un livre, il y a aussi le livre de Professeur Feuillage, que je vous recommande, que je vous passerai peut-être, qui sont aussi très bien et qui sont un peu moins chers. Mais voilà, ça reste dans ces zones-là. Dans le range de prix habituel. Mais toujours d'une excellente qualité graphique. Mmh. Toujours, ce sont de beaux objets. C'est ça. Bon, ça fait plaisir de les avoir achetés et finalement... On se dit qu'on a quand même donné 50 euros à ce youtubeur-là, mais d'une façon intelligente et complètement en phase avec son contenu. Et derrière, on a quand même un super jeu de société et un très beau livre. Donc, c'est quand même beaucoup plus cool, ce genre de projet. Même si je comprends que ça prend du temps de faire des jeux, de faire des livres, etc. C'est tout un investissement en plus des vidéos. Ça prend du temps, d'accord. Mais en tant que consommateur de... Enfin, que follower de cette chaîne YouTube, bah moi ça me fait quoi, ça me fait beaucoup plus plaisir en fait. On ne critique pas les non les comment dire les contenus par-ci participants. Ouais. On critique pas les Tipeee, les Litchi, les je sais pas quoi, mais si vous avez la possibilité en relation avec votre chaîne de proposer ce genre de contenu qui complète en plus tout le monde est content, qui complète en plus votre contenu. C'est top, et puis ça fait encore plus plaisir, c'est vraiment cool de vous aider dans ce sens-là. C'est tellement génial qu'il y en a plusieurs qui le font. C'est-à-dire que Nota Bene, il y a aussi celui qui fait comment il s'appelle ? Axolot, il fait des BD. Ah oui, mais Axolot, il fait des BD d'excellentes factures. Il y a Max Bird, je sais pas si vous connaissez d'ailleurs, non. On en reparlera une prochaine fois. Enfin voilà, il y a beaucoup de grands youtubeurs maintenant qui font des livres et d'autres. Ou des bandes dessinées. Byproduct, enfin voilà, c'est. Mais après, on aime Patrick Beau. Voilà, on va finir sur cette phrase. Putain, si jamais il l'entend, je serais vraiment très très content. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux globalement où on est. Donc soit Facebook et Twitter. Exactement. Instagram peut-être un jour, hein, si jamais on a envie. Et Discord, Discord, est-ce que vous êtes sur Discord? C'est quoi Discord? On n'est pas la France Insoumise, mon gars. C'est quoi Discord? On est peut-être de gauche, mais on n'est pas on la France Insoumise. On en parlera après. Ok. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de faire toutes les interactions possibles et imaginables. Vous pouvez nous dire Hugo, t'as une voix de merde, mais nous mettre 5 étoiles en même temps sur iTunes, sur Apple Podcast, ce sera très bien. Vous pouvez nous insulter, je m'en bats les. On s'en bat les couilles. On veut juste des 5 étoiles commentées sur Apple Podcast, des posts sur Facebook, tout ce que vous voulez à partir du moment où vous interagissez. C'est le seul moyen de nous faire connaître à l'heure actuelle. On n'est pas encore au point de payer des publications sur Twitter ni sur Facebook. Donc le seul moyen, c'est le bouche à oreille, le partage et le commentaire et l'interaction avec ce qu'on fait. On se retrouve très bientôt, on va essayer d'être bimensuel avec notamment une... Je l'annonce maintenant hein, parce que globalement ça va sortir. Avec une nouvelle émission qui porte sur les adaptations de livres en film. On va vous parler donc d'un livre, d'un film lié. De toute façon, je ne sais même pas si quelqu'un va écouter ce podcast jusqu'au bout. Donc de toute façon, on verra si la nouvelle sort. Et on se retrouve très bientôt, bah dans deux semaines, globalement, pour un En toute mauvaise foi ou autre chose, si on sort une nouvelle émission. Merci beaucoup de nous écouter. On vous fait de gros bisous. À bientôt. Salut.